un bond prodigieux vers la liberté, une détente extraordinaire. En un seul saut, le jeune homme a échappé aux deux colosses soviétiques qui le surveillaient. Il se trouve maintenant aux côtés de policiers français qui opposent leurs cartes tricolores aux menaces des hommes du KGB. L'image avait de quoi frapper les imaginations et les journalistes de l'époque ne se sont pas privés de gloser sur ce moment exceptionnel où l'un des plus grands danseurs du XXe siècle, Rudolf Nureyev, a choisi ainsi de rompre spectaculairement avec sa patrie et d'abandonner pour toujours le camp de l'Est. Cela se passait en 1961 à l'aéroport du Bourget et donc en pleine guerre froide. Nureyev, mort en 1993, a toujours prétendu que son geste n'était pas prémédité et qu'il avait obéi à une soudaine inspiration quand on lui avait annoncé qu'il devait abandonner ses camarades en partance pour Londres et rentrer à Moscou. Mais cette spontanéité est suspecte. Et c'est la thèse de M. X. Les services secrets ne pouvaient pas ne pas avoir été mêlés à une affaire aussi sensible sur le plan de la propagande et de la compétition Est-Ouest. Et d'ailleurs, les soviétiques ont toujours affirmé que la défection du danseur étoile avait été préparée par les Occidentaux et particulièrement par la CIA. Mais Rudolf Nureyev, lui, avait de bonnes raisons pour s'en tenir à sa thèse et nier que son choix était politique. Ce qui m'a toujours frappé dans cette histoire, c'est que Rudolf Nureyev n'est venu à Paris que grâce au Parti communiste français. Et c'est justement à Paris qu'il va choisir la liberté, comme on disait autrefois. C'est un peu paradoxal, non? Pourquoi est-ce la PCF au fait? Je vous explique. La tournée du Kirov, le célèbre ballet de Leningrad, était prévue de longue date. Les danseurs russes devaient se produire plusieurs jours à Paris avant d'aller à Londres. Les organisateurs français étaient très proches du Parti communiste. Enfin, il faut dire qu'à l'époque, chaque prestation d'une troupe d'artistes soviétiques à l'étranger était habilement utilisée par la propagande. Parce que c'était les ambassadeurs de la culture soviétique. Naturellement, et par conséquent, ces représentations devaient être excellentes. Or, les deux étoiles du Kirov, Natalia Dudinskaya et Konstantin Sergeïev, n'étaient plus de la première jeunesse. Les organisateurs français ont donc exigé que des solistes plus jeunes fassent partie de la tournée. C'est ainsi que Nureyev a été choisi. Et pourtant, les soviétiques n'y tenaient pas du tout. Et s'ils ont fini par s'incliner, ce n'était pas de gaieté de cœur. Pour quelle raison le danseur là, n'était pas en odeur de sainteté? Oui, c'est une longue histoire. Nureyev, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. Une fois, pour une interview. Ouais. Alors vous avez constaté que ce n'était pas un personnage facile. Il était capricieux, rebelle et intimement persuadé qu'il était le meilleur. C'est peut-être le propre des grands artistes. Oui. Enfin bref, Nureyev n'avait rien fait pour s'attirer les bonnes grâces des autorités. Dans un régime et une société aussi rigide, c'était vraiment le vilain petit canard. Quel âge avait-il là, lorsqu'il est venu à Paris? 22 ou 23 ans. Mais c'était déjà une vedette en URSS. Oui, hein, mais en Occident, personne ne le connaissait vraiment. Seuls les spécialistes avaient entendu parler de lui. Comment avait-il commencé, là? Nureyev était un tatar. Sa famille vivait à Oufa, la capitale de la République Bachkirie. Ouais, très loin de Moscou, hein. Plus de 1000 kilomètres, oui. Oufa est située à l'ouest des monts Oural. Toutefois, Nureyev n'est pas né là-bas, mais en Sibérie, dans un train. Sa mère a accouché dans un train, c'est oui, ça? Oui, elle allait rejoindre son mari qui se trouvait à Vladivostok. Et là-bas, qui faisait-il le père? Il était commissaire politique dans l'armée rouge. Et autant le dire tout de suite, ça n'a jamais collé entre Rudolf et son père qui était un stalinien pur sucre et qui ne voulait pas entendre parler de danse. Son fils devait être ingénieur ou médecin, danseur. Enfin, c'était pas un métier pour un fils de commissaire politique, militant chevronné du parti, bien sûr. Et alors, c'est malgré son père que Nureyev s'intéresse très tôt à la danse. Oui, quasiment dans la clandestinité. Il prend des leçons de danse folklorique avec des amateurs. Toutefois, il est évident qu'à Oufa, grosse ville provinciale, il ne pourra jamais aller bien loin. Autre chose, Nureyev a passé sa petite enfance pendant les années de guerre. Des années terribles pour les citoyens soviétiques et sa famille a beaucoup souffert des privations imposées par le conflit mondial. Alors, comment va-t-il finir par percer Adolescent, il se rend à Moscou avec une compagnie de Oufa. Coup de chance, le soliste de la troupe se blesse et Nureyev le remplace à l'improviste. Et là, il est repéré par un professeur du Bolchoï et on lui conseille de tenter le concours d'entrée à l'école du théâtre. Ce qu'il fait? Bien sûr. Et il est reçu. Mais comme il ne trouve pas de logement à Moscou, il décide de ne pas donner suite et il se rend à Leningrad. Refuser d'intégrer l'école du Bolchoï, c'est pas rien. En effet, ça donne déjà une idée du caractère de ce jeune homme. Et à Leningrad alors, que compte-il faire? Passer le concours de l'école du Kirov, l'autre prestigieux ballet de l'URSS. Et là encore, il réussit. mais il est admis dans un rang inférieur à celui qu'il avait obtenu à Moscou. Et il manifeste son mécontentement. Décidément, sacré caractère. Hein. Mauvais caractère, vous voulez dire. Ouais. Heureusement pour lui, un grand professeur le prend sous son aile. Il s'appelle Alexandre Pouchkine. Il va devenir son mentor et peut-être même un peu plus. Qu'insinuez-vous là ? Bon, l'homosexualité de Nureyev n'est pas un mystère. Ce sera d'ailleurs une des raisons qui feront que les autorités soviétiques se méfieront toujours de lui. À l'époque, c'était très mal vu d'être homosexuel. C'était même un délit puni de longues années de prison. Oui, je crois que c'est seulement au début des années 90 hein, qu'on a cessé de traquer les homosexuels en Russie. Hein. Oui, paradoxalement, le KGB s'intéressait beaucoup aux homosexuels. Pourquoi ? Parce que la centrale soviétique s'en servait pour piéger des hommes, étrangers ou non. En les faisant chanter. Hein. C'est ça. Et c'était si vrai que beaucoup de soviétiques condamnaient les homosexuels aussi pour cette raison. Oui, parce qu'ils considéraient qu'ils pouvaient être manipulés par le KGB. C'est exact. Bon. Revenons à Nureyev. Hein. Est-ce qu'il s'impose rapidement ? Il a des qualités tellement exceptionnelles qu'il est très vite remarqué. Faut s'y ajouter que c'est un travailleur forcené, qu'il passe des heures et des heures à répéter. Vous disiez précédemment que s'il n'était pas resté à Moscou, c'est à cause du logement. Alors, à Leningrad ? Il est d'abord logé dans un dortoir collectif. Puis comme son talent s'affirme et qu'il obtient ses premiers succès sur scène, on lui attribue un appartement qu'il partage avec l'une de ses partenaires. Mais cette cohabitation est souvent orageuse. Ouais, toujours le caractère de Nureyev. Oui, le danseur ne faisait aucun effort pour se faire aimer de ses camarades de Kirov. Pourquoi ? C'est parce qu'il avait déjà, comment dirais-je, conscience de sa supériorité. Oh, certainement, Nureyev, dès cette époque, savait qu'il serait un jour une star de la danse. Et pourtant, il a connu un sérieux pépin. Quoi ? En 58, il avait tout juste 20 ans, il devait danser en soliste. Pour lui, c'était extrêmement important, car c'était le vrai départ de sa carrière. Mais en répétant, il se blesse. Rupture d'un ligament. Le médecin qui l'examine lui annonce qu'il ne pourra pas danser avant 3 ans. 3 ans, mais c'est une catastrophe, ça. Oui, oui, car certains danseurs ont vu leur carrière brisée après un tel accident. Mais Rudolf Nureyev n'était décidément pas un type comme les autres, accueilli chez son cher professeur. Pouchkine, oui. Il se rétablit avec une rapidité stupéfiante. Et bientôt, il recommence à danser. Et de nouveau, il manifeste son caractère rugueux et son désir d'indépendance en toute chose. Ça lui vaut d'être accusé de non-conformisme par l'un de ses professeurs. Une accusation très grave en URSS où tous, même les plus talentueux, se devaient de se couler dans le moule, à la fois artistique et idéologique. Et qu'est-ce que ça va lui coûter, à son non-conformisme ? Il est victime de petites brimades. Par exemple ? Le jour où le Kirov commence une tournée prestigieuse dans toute l'URSS, on l'oblige à partir en Allemagne de l'Est où il se produit avec un cirque. Ah, humiliation. Certainement. De la même façon, on a essayé de lui interdire d'aller en Autriche au Festival International de la Jeunesse. Mais il a tant empêté qu'on a fini par lui donner satisfaction. C'était son premier voyage en dehors du bloc soviétique, ça ? Oui, oui, c'est une révélation pour lui. Mais il y a déjà longtemps que Rudolf Nureyev est fasciné par l'Occident. À Leningrad, il ne manque aucun spectacle donné par des troupes de l'Ouest. Et dès qu'il le peut, il fréquente les artistes étrangers et même les journalistes occidentaux. Ça peut être très bien vu, ça. C'est certain. Pour les autorités soviétiques, tout étranger occidental était soupçonné d'être un espion. On pensait aussi que ces étrangers pouvaient contaminer les bons citoyens. Oui, en leur disant que la société soviétique n'était peut-être pas le paradis qu'il était censé être. Voilà, donc, il était déconseillé de les rencontrer. Et quand on le faisait tout de même, il fallait aussitôt en rendre compte. Ce que ne faisait pas Nureyev. Bien sûr que non. Pire. Le danseur étoile s'est mis en devoir d'apprendre l'anglais afin de mieux communiquer avec ces étrangers qui viennent à Leningrad. D'après ce que vous savez ou pensez, j'en sais rien moi, est-ce qu'il pense déjà à fuir en Occident ? Franchement, je ne sais pas. Je crois que dans un premier temps, il espérait surtout participer à la première tournée du Kirov en Occident depuis la fin de la guerre. En fait, l'URSS lui pesait. Il avait envie de voyager, de voir autre chose. Et sans doute aussi de perfectionner son art en se frottant aux danseurs étrangers. Se faire connaître. Oui, mais s'y prenait mal. En haut lieu, les incartades de Nureyev commencent sérieusement à irriter. Et en 1960, la sanction est tombée. Il ne sera plus autorisé à voyager en dehors des frontières du pays. Et punition supplémentaire, il n'aura plus l'honneur de danser devant les huiles du gouvernement soviétique. Le journaliste britannique Pete Watson a écrit une biographie de Rudolf Nureyev parue en France en 1995 aux éditions numéro 1. Il raconte le dernier événement qui a provoqué la disgrâce du danseur. Nureyev revient alors de cette tournée en Allemagne de l'Est dont a parlé Monsieur X. Le premier responsable du Kirov, le danseur Konstantin Sergeyev, qui le détestait, lui annonce qu'il doit repartir en tournée dans le nord de la Russie. Je cite Watson. Une telle tournée n'avait rien de réjouissant. Le souci principal de tout danseur est le froid et les raideurs qu'il entraîne, sans compter la menace d'une blessure. Rudolf dit à Sergeyev qu'il préférait faire le voyage en avion plutôt qu'en train. Au besoin, il paierait le voyage de sa poche. Mais pour Sergueïev, il n'en fut pas question et Rudolf dut, une fois de plus, se résigner à prendre le train. En route, il découvrit autre chose qui le contraria davantage. Il avait pour compagnon de voyage, en cette nouvelle tournée, le même cirque avec lequel il avait voyagé en Allemagne de l'Est. Le Kirov, cette fois, poussait la plaisanterie un peu loin. On le tenait éloigné de Leningrad durant des mois, loin d'un public qui pouvait décider de sa carrière. En arrivant furieux, il s'aperçut que l'on s'attendait à ce qu'il danse le tout premier soir dans cette contrée nordique glaciale. C'était bien la dernière des exigences à avoir. Rudolf prit rapidement une décision, froidement. Il fit ce qu'on lui demandait, mais ce fut tout. Après la représentation, il donna sa démission et sauta dans le premier train de nuit pour Moscou, puisqu'il n'en avait pas pour Leningrad. Il en avait assez d'être pris pour un idiot. Rudolf Nureyev a naturellement très mal supporté la décision des autorités soviétiques de lui interdire de sortir du RSS. Ouais, il dit que c'était les frasques de Nureyev qui lui avaient valu cette punition. N'y avait-il pas aussi la crainte qu'il ne profite d'un voyage à l'étranger pour faire défection? Oh, c'est très possible. Rudolf Nureyev était un rebelle. Avec lui, on pouvait s'attendre à tout. D'autant que, fidèle à sa jeune légende, c'était loin d'être un soviétique modèle. C'est-à-dire? Ben, il séchait régulièrement les réunions organisées par la section du parti au théâtre Kirov. Ouais, ça ne m'étonne pas outre mesure, À tout le monde y assistait. Les danseurs, les musiciens, les employés et même les femmes de ménage. Ouais, sauf Nureyev. Ouais, voilà. Et forcément, ça se remarquait. Donc, il accumulait les griefs contre lui. En tout cas, il ne faisait rien pour plaire aux gens en place. C'est plutôt sympathique, non? Et même, courageux. Je vous l'accorde. Même si cette attitude ressortait d'abord d'un formidable orgueil. Admettons. Donc, revenons à ce que vous me disiez au tout début de cet entretien. Grâce aux organisateurs français de la tournée du Kirov, des gens très proches du Parti communiste français, Nureyev va enfin pouvoir sortir du RSS. Et cela malgré l'interdit qui lui a été signifié quelques semaines plus tôt. Et pour lui, c'est inespéré. Absolument. Mais la bureaucratie soviétique étant ce qu'elle est, ça n'a pas été simple. Et l'affaire est remontée jusqu'au comité central du parti. Mais l'autorisation, donc, a été finalement donnée. Oui, et Nureyev s'est envolé vers Paris avec le reste de la troupe, soit près de 140 personnes. Quand était-ce exactement? En mai 61. Mais juste avant le départ, il s'est passé quelque chose de curieux et qui n'a jamais vraiment été élucidé. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Eh bien, sa mère aurait été présente à l'aéroport. Sa mère qui habitait toujours au Fala. Toujours, oui. Très loin. Oui, très très loin. Et selon les témoins qui ont affirmé avoir vu la mère de Nureyev, cela signifiait que le danseur lui disait un dernier au revoir. Parce qu'il avait déjà décidé de faire défection. Et qu'il savait très bien que le régime soviétique ne l'autoriserait jamais à revenir en URSS s'il décidait de passer à l'Ouest. C'est effectivement troublant, la présence. C'est en parfaite contradiction avec la version officielle donnée par Nureyev lui-même. À l'époque, c'est-à-dire, rappelons-le, en pleine guerre froide, j'imagine que les citoyens soviétiques qui voyageaient à l'étranger n'étaient pas abandonnés à eux-mêmes. Bah, bien sûr que non. Avec la troupe voyageaient des agents du KGB. En outre, l'administration du Kirov se débrouillait pour que les artistes se surveillent les uns les autres. Ainsi, Nureyev devait partager sa chambre d'hôtel avec un camarade, Yuri Soloviev. Mais il était aussi prévu que les membres de la troupe se déplacent au moins deux par deux, ou mieux encore, par groupe de quatre. Pour Nureyev, ça devait être insupportable, ça. Naturellement. Il se trouvait à Paris pour la première fois de sa vie et il n'était pas question de rester confiné dans sa chambre ou de se balader dans les rues avec un chaperon. D'autant plus qu'il était l'un des seuls membres de la troupe à parler une langue étrangère. Donc très vite, il s'est mis à fréquenter le milieu des danseurs français. Et puis de fil en aiguille, le monde de la nuit et du plaisir. Ouais, mais toujours surveillé quand même. Le plus souvent possible, oui. Mais les deux types du KGB chargés de l'escorter ont dû pester plus d'une fois parce que Nureyev était capable de passer des nuits entières dans les boîtes ou à se balader dans les rues de Paris. Et le spectacle, parce qu'il était quand même venu pour danser. Nureyev ne s'est pas produit dès la première représentation. Mais dès qu'il est apparu à l'opéra, le deuxième ou le troisième soir, il a fait sensation. Et pour les spectateurs et les journalistes présents, il n'y a eu aucun doute. Il venait de voir se lever une vraie star. En une nuit, Rudolf Nureyev est devenu la coqueluche du tout Paris. En outre, il faut pas l'oublier, le danseur étoile était d'une rare beauté. Enfin bref, il avait tout pour séduire. Cet engouement, mais surtout les virées nocturnes de Nureyev ont dû embarrasser les soviétiques. Pire, ils les ont rendus furieux. D'autant plus que Nureyev ne voulait rien entendre. Il n'était pas question pour lui de renoncer à sortir. Et il se sentait protégé par son formidable succès. Car malgré l'excellence des autres membres de la troupe, c'est lui que le public français réclamait. Et les dirigeants du Kirov, malgré les réserves que Nureyev leur inspirait, ont été obligés de le faire danser plus souvent qu'il n'était prévu. Ce qui a sans doute suscité des jalousies. Il pouvait pas en être autrement. Le nouveau Nijinsky, comme l'appelaient les journalistes, était franchement détesté par la plupart des membres du ballet. Oui, parce qu'on ne parlait que de lui, hein, et pas les autres. Et aussi parce qu'il avait pris des libertés que les autres n'osaient pas s'accorder. Ouais, de peur des représailles. Oui, car ceux-là savaient qu'il leur faudrait rentrer en URSS après leur tournée à Paris et Londres. Ah, ça signifie donc que Nureyev, lui, avait déjà choisi de rester à l'Ouest. Ça, j'en suis persuadé. Écoutez, même s'il ne l'avait pas décidé avant de quitter Leningrad, le succès qu'il remportait à Paris ne pouvait que l'inciter à continuer sa carrière en Occident. Même si le fait de s'exiler représentait pour lui un réel déchirement. D'autant qu'à l'époque, quand on partait, c'était définitif. Oui, sans espoir de retour. Oui, on était immédiatement désigné comme un traître. Ça, on en reparlera peut-être. Parce que Nureyev sera jugé par contumace dans sa patrie. Enfin, n'allons pas trop vite. Ici, avant d'évoquer les circonstances de sa défection, il faut que je vous parle d'une femme qui va jouer un grand rôle dans toute cette affaire. Une femme. Nureyev était attiré par les garçons, mais il n'était pas insensible au charme féminin. Et cette femme était très belle. Qui était-ce? Une Chilienne qui vivait en France, Clara Saint, c'était son nom, était passionnée de danse et elle était très vite devenue amie avec le soviétique. Seulement amie? Ça, je n'en sais rien, ça n'a aucune importance. Clara avait été fiancée avec Vincent, le fils du ministre de la Culture. André Malraux, hein? Oui, Vincent était mort dans un accident de la route un an plus tôt. Mais la jeune femme était naturellement demeurée proche du ministre. Donc, grâce à elle, Nureyev pouvait avoir un contact avec les autorités françaises, c'est bien ce que vous voulez dire. Oui. Alors voyons maintenant ce qui va se passer. La version officielle, en tout cas. Vers la mi-juin, la troupe du Kirov devait partir pour Londres, où il était prévu qu'elle se produise à Covent Garden. Nureyev attendait beaucoup de ce nouveau déplacement parce qu'il considérait que l'école de ballet anglais était la meilleure du monde. Et à Londres, il y avait la célèbre Margot Fontaine. Fontaine avec laquelle Nureyev formera plus tard un duo inoubliable. Et si vous voulez mon avis, c'est à Londres que Rudolf Nureyev avait choisi de faire défection. Pas à Paris. Non. Mais les événements vont se précipiter. Le danseur soviétique va être obligé de changer ses plans et d'improviser. En apparence, parce qu'en réalité, la petite comédie qui va se jouer à l'aéroport du Bourget a été soigneusement préparée. Il est certain que la vie nocturne de Rudolf Nureyev à Paris avait irrité, au plus haut point, les agents soviétiques chargés de surveiller la troupe du Kirov. Et c'est particulièrement son amitié avec Clara Saint qui les exaspérait. Ainsi, un soir, lors d'une représentation où il ne danse pas, il partage une loge au vu et au su de tous avec la jeune Chilienne. Voici ce que Pete Watson, déjà cité, écrit. Pour un non-russe, tout ceci n'a rien de remarquable, mais dans le climat de cette époque, ce simple acte d'amitié fut considéré comme une véritable provocation par les autorités du Kirov, dont la plupart des membres ce soir-là étaient assis dans une autre loge à quelques mètres de là. La vue de Nureyev, évitant ses collègues russes et prenant manifestement plaisir à la compagnie de Parisiens élégants et même tapageurs, était quelque chose de particulièrement irritant. Pendant l'entracte, deux des fonctionnaires du Kirov vinrent dans la loge de Clara et demandèrent à Nureyev de sortir un instant. Là, ils se mirent à critiquer son attitude qui consistait à fréquenter des personnes indésirables. Comme on pouvait s'y attendre, l'intervention n'eut pas l'effet recherché. Plus tard dans la soirée, Nureyev et Clara allèrent souper en tête-à-tête dans un petit restaurant pour étudiants près du boulevard Saint-Michel. Nureyev revit Clara aussi souvent qu'il le put. Leur liaison rendait furieuses les autorités du Kirov. Sergueï Korkine, le directeur, lui dit « Si vous revoyez encore cette déserteuse chilienne, vous m'obligerez à prendre des sanctions sévères ». Vous avez dit que les événements allaient se précipiter. Oui, Nureyev était un garçon intelligent. Il ne pouvait pas ignorer que ces multiples incartades allaient amener les soviétiques chargés de le surveiller à prendre des mesures contre lui. Peut-être était-ce ce qu'il cherchait. Ah, ça n'est pas exclu, mais c'était à Londres, je vous l'ai dit, qu'il avait l'intention de choisir de rompre. Toutefois, à Paris, il a senti que le filet se resserrait autour de lui. Oui, mais que pouvait-on contre lui à Paris? Pas grand-chose, c'est vrai. Encore qu'on a déjà assisté à des retours au pays expéditifs. Après tout, il suffisait de le droguer, de le rapatrier en prétendant que son état de santé nécessitait qu'il rentre au plus vite. Mais les soviétiques avaient mis au point un plan plus subtil, vous allez voir. Et Nureyev, heureusement pour lui, en a eu vent. Comment? Des indiscrétions. Les artistes de la troupe du Kirov n'étaient pas tous inféodés au KGB. Et l'un de ses camarades l'a sans doute prévenu. Sans doute celui qui partageait sa chambre d'hôtel et à qui on avait demandé de fouiller les affaires de Nureyev. Alors ce plan-là, subtil, que prévoyait-il? Eh bien, tout devait se passer au Bourget, qui était alors l'aéroport international de Paris. Nureyev monte avec les autres membres de la troupe dans le car qui doit les conduire au Bourget. On lui remet alors son billet d'avion pour Londres. Il ne se méfie donc absolument pas. Mais il est à peine arrivé à l'aéroport qu'on lui annonce que sa mère est gravement malade. Il faut qu'il rentre au plus tôt en URSS. Et justement, un Tupolev doit décoller du Bourget en fin de matinée. Ouais, le piège là. Hein. Un piège dans lequel Nureyev aurait pu facilement tomber, car la santé de sa mère était en effet très précaire. On lui reprend donc son billet pour Londres et on lui en donne un autre pour Moscou. Et bien sûr, à partir de ce moment, ces anges gardiens du KGB de Kostou ne le lâchent plus d'une semelle, tandis que les autres membres de la troupe passent la douane et sont conduits en salle d'embarquement. Alors, voyons maintenant la version officielle. La version officielle, c'est la version propagée par Nureyev lui-même. C'est ça. De nombreux amis français sont venus saluer le départ des danseurs. Nureyev dit à l'un d'eux qu'on l'oblige à rentrer à Moscou. Celui-ci téléphone aussiitôt à Clara Saint. Parce qu'elle est proche d'André Malraux. Évidemment. La jeune femme saute dans sa voiture et file vers le Bourget. Là, elle se rend au bureau de la police de l'air. Elle doit avoir des arguments convaincants puisque deux fonctionnaires en civil se dirigent vers le bar, pas très loin de l'endroit où se trouvent Nureyev et les costauds du KGB. Et soudain, le danseur bondit et se réfugie derrière les deux policiers français. Et les types du KGB? Ils réagissent aussitôt, mais quand ils veulent s'emparer de Nureyev, les policiers brandissent leur carte tricolore. Et le danseur est prestement embarqué dans les locaux de la police de l'air où il doit remplir un formulaire de demande d'asile. J'ajoute que la scène a provoqué la stupeur de tous ceux qui étaient là et parmi lesquels se trouvaient de nombreux journalistes. Oui. Les soviétiques ont dû très mal réagir. Bien entendu. Alerté par les hommes du KGB, l'ambassadeur du RSS a immédiatement dépêché un diplomate au Bourget. Il s'est rendu dans le bureau de la police de l'air et il a exigé que Rudolf Nureyev, citoyen soviétique, le soit remis. Mais les policiers français n'ont pas bronché. Le danseur s'était placé lui-même sous la protection de la France, ce que Nureyev a confirmé devant le diplomate. Ouais, alors le diplomate ne pouvait que s'incliner. Mais il ne pouvait pas faire autre chose. Il était presque certain que les soviétiques n'en resteraient pas là. Oui, d'accord. Enfin, que pouvait-il faire? Essayer d'enlever Nureyev, par exemple, ou même de le blesser pour entraver sa carrière. Est-ce que le KGB l'a sérieusement envisagé? Tout à fait. C'est pourquoi, pendant très longtemps, le danseur a vécu sous protection policière. La centrale soviétique a également suscité des manifestations hostiles contre lui. Sa première représentation à Paris, quelques jours après sa défection, a fait l'objet d'une véritable cabale montée par le Parti communiste français. On a même jeté des morceaux de verre sur la scène. Ouais, une campagne d'intimidation. Oui, il y a eu d'autres manœuvres plus obscures. Les instances soviétiques ont fait pression sur la France afin que Nureyev ne trouve pas d'engagement. Et vous remarquerez que Nureyev, qui était sans doute le plus grand danseur de cette époque, n'a pas été recruté par notre opéra national. Ouais, c'est vrai. Il faudra attendre Jacques Lang pour qu'il rejoigne l'opéra en tant que directeur et chorégraphe du ballet. Mmh. Les pressions ont donc été efficaces. Hein. Certainement. D'autre part, et c'était plus grave dans un sens, le KGB avait la possibilité de s'en prendre à sa famille, demeurée en URSS. Mais ça a été le cas, ça? Oui. À plusieurs reprises, il y a eu des pressions sur ses sœurs, sa mère et son père. Ils ont dû rédiger des lettres ou donner des coups de téléphone demandant à Nureyev de revenir. Chantage affectif. Évidemment. J'ajoute que les parents du danseur ont été victimes de nombreuses brimades. Comme s'ils étaient responsables de ses défections. Qu'ils savaient peut-être. C'était sans doute le cas de sa mère, je vous l'ai dit, mais son père, non. Ce vieux bolchevique ne pouvait pas approuver son fils. La décision de Rudolf l'a profondément affecté et il est mort peu après. Tout à l'heure, vous avez parlé de procès, hein, c'est oui, ça? Oui, Nureyev a été accusé de trahison. Procès public? Non, les autorités soviétiques n'aimaient pas étaler ce genre d'affaires. Parce que ça aurait pu donner des idées à d'autres artistes. Certainement. Toutefois, on sait qu'au cours de ce procès, de nombreux témoins ont comparu. Et à part son vieux professeur et ami Pushkin, tous ont mis en évidence les défauts de Nureyev, ses frasques, son non-conformisme, son orgueil, et bien sûr son homosexualité. Les jurés ont demandé une très lourde peine, mais le juge en a décidé autrement. Ah, il était clément. Oui, Nureyev a été condamné par contumace à quelques années de prison. Et dans ses attendus, le juge a notifié que si le danseur rentrait au bercail, son affaire serait réexaminée. Dans un sens favorable. C'est évident. Donc ça signifie que Moscou ne désespérait pas de le voir revenir un jour. Je pense. Mais Nureyev était devenu une immense vedette internationale et il n'était plus question pour lui de revenir. Il n'a jamais revu son pays? En 1987, je crois. Gorbatchev lui a permis de venir voir sa mère qui était au plus mal. Alors réellement cette fois-ci. Oui. Alors revenons à cette fameuse scène du Bourget, là, le bond de Nureyev vers la liberté. Pour vous, c'était une comédie, c'est bien ça? Incontestablement, tout était arrangé. Et par qui alors? Les autorités françaises. Malraux? Et je pense la DST. Alors le scénario était écrit d'avance. Oui. Ouais. Mais pourquoi cette comédie au fond? Nureyev voulait que son passage à l'Ouest ait l'apparence d'une improvisation, une rébellion subite. Ouais, je veux bien, mais je vous demande pourquoi? Pour épargner sa famille. Si sa défection avait fait l'objet d'une longue préparation, sa famille aurait été forcément au courant. Et donc, elle en aurait subi les conséquences. Mais il y avait aussi autre chose. Et cela, ça nous intéressait, nous Français, en premier lieu. Ah bah, expliquez alors. À l'époque, le gouvernement du général de Gaulle entretenait d'excellentes relations avec Moscou. Donc, il fallait absolument donner l'impression que c'était Nouraïev tout seul qui avait décidé de rester à Paris. Et sans la complicité des autorités françaises. Mais j'en suis convaincu. Malraux, en particulier, savait depuis un bout de temps que le danseur ne retournerait pas en URSS. Grâce à cette Clara Saint. D'où la petite comédie du Bourget. Oui, oui, je veux aussi ajouter que les Soviétiques, bien embarrassés par cette affaire, ont prétendu que la CIA avait arrangé toute l'affaire. Mais enfin, ça, c'est un mensonge. Alors, pour une fois, vous disculpez la CIA. Et pourquoi pas? Non, enfin, ce sont des Français qui sont intervenus. Et en retour, il nous est arrivé de demander à Nouraïev quelques services. Quoi? Bah, par exemple, de regarder autour de lui ou de démasquer éventuellement des espions soviétiques. Ben, nous n'étions pas les seuls à nous intéresser à Nouraïev. Le FBI aussi le suivait de très près. Selon Krop et Faligo, auteur de DST Police Secrète, publié en 1999 chez Flammarion, le danseur aurait en effet reconnu, avant sa mort, que la DST lui avait demandé de collaborer dans le sens suggéré par M. X. Autre chose. Vladimir Filarovski, ancien diplomate et proche de Gorbatchev, a récemment publié aux éditions du Rocher un livre sur les secrets des ballets soviétiques. Il a eu accès aux archives du KGB et publie le rapport que le service de renseignement soviétique a établi à propos de la défection de Rudolf Nouraïev. En voici l'essentiel. Je vous informe que le 16 juin 1961, à Paris, Rudolf Kamitovitch Nouraïev, né en 1938 célibataire, tatar, sans parti, artiste de ballet au théâtre Kirov, a trahi la patrie lors d'une tournée en France. Le 3 juin de cette année, des données sont parvenues de Paris selon lesquelles Nouraïev enfreignait les principes de conduite des citoyens soviétiques à l'étranger, partait seul dans la ville et rentrait tard le soir à l'hôtel. De plus, il a lié des contacts proches avec des artistes français dont certains sont homosexuels. Bien qu'un entretien prophylactique d'avertissement ait été mené avec Nouraïev, il n'a en rien changé sa conduite. Le KGB, en accord avec la commission des voyages à l'étranger du comité central, a donné le jour même l'ordre à son résident à Paris de faire rapatrier Nouraïev en URSS. Le 16 juin de cette année, lors du départ de la troupe pour Londres, suite aux instructions du ministère des Affaires étrangères du RSS et en accord avec la décision de la commission des voyages à l'étranger, l'ambassade a pris la décision de renvoyer Nouraïev en URSS. Arrivé à l'aéroport, Nouraïev a refusé de regagner la patrie. Il a fait appel à la police française et a demandé que lui soit accordée la possibilité de rester dans le pays. Nouraïev se caractérise par son indiscipline, son manque de patience et un comportement grossier.